Qu'est-ce que la respiration consciente et comment la pratiquer? 1. Introduction à la respiration consciente. L'importance de la pleine conscience dans la vie quotidienne. Dans notre monde moderne au rythme rapide et souvent stressant, trouver un sentiment de calme et de paix intérieure peut sembler un objectif insaisissable. Cependant, une pratique puissante et largement reconnue est la respiration consciente. La respiration consciente implique de concentrer intentionnellement notre attention sur la respiration, ce qui nous permet de cultiver notre conscience, de réduire le stress et d'améliorer notre bien-être général. Cet article vise à explorer le concept de respiration consciente, ses nombreux avantages, et à fournir des conseils pratiques sur la manière d'intégrer cette pratique dans notre vie quotidienne. En comprenant les principes et les techniques de la respiration consciente, nous pouvons découvrir un outil précieux pour lever les défis de nos vies bien remplies et favoriser une connexion plus profonde avec notre moi intérieur. Qu'est-ce que la respiration consciente ? La respiration consciente est une technique simple mais puissante qui consiste à prêter attention à votre respiration de manière ciblée et sans jugement. C'est un aspect fondamental de la pratique de la pleine conscience et peut être pratiqué n'importe où et à tout moment. En portant votre attention sur le moment présent par la respiration, vous cultivez un sentiment de calme et de clarté. L'importance de la pleine conscience dans la vie quotidienne. Dans nos vies trépidantes et souvent stressantes, prendre le temps de cultiver la pleine conscience est essentiel pour notre bien-être général. La pleine conscience nous aide à devenir plus conscients de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations corporelles, nous permettant ainsi de répondre aux défis de la vie avec plus de clarté et de compassion. En intégrant la respiration consciente dans notre routine quotidienne, nous pouvons cultiver un sentiment de paix intérieure et de résilience. 2. Comprendre les bienfaits de la respiration consciente. Bienfaits physiques. Pratiquer une respiration consciente présente de nombreux avantages physiques. Il peut aider à réguler notre fréquence cardiaque et notre tension artérielle, à améliorer la fonction pulmonaire et à réduire la tension musculaire. En nous concentrant sur notre respiration, nous activons la réponse de relaxation du corps, favorisant une sensation de calme et réduisant les symptômes physiques du stress. Avantages mentaux et émotionnels. La respiration consciente présente également des avantages mentaux et émotionnels importants. Cela peut aider à réduire l'anxiété et la dépression, à améliorer la concentration et à améliorer la fonction cognitive globale. En devenant plus conscient de nos pensées et de nos émotions grâce à la respiration consciente, nous pouvons développer une relation plus saine avec notre monde intérieur, conduisant à une stabilité émotionnelle et une résilience accrue. 3. Explorer les principes de la respiration consciente. Le lien entre la respiration et la conscience. La respiration agit comme un point d'ancrage pour notre conscience du moment présent. En observant le rythme naturel de notre respiration, nous nous enracinons dans l'ici et maintenant, nous aidant ainsi à nous libérer des pensées et des soucis ruminatifs. Grâce à la respiration consciente, nous cultivons un sentiment de présence et développons une plus grande capacité à vivre pleinement chaque instant. Le rôle de l'attention et de l'intention dans la respiration consciente. La respiration consciente nécessite à la fois attention et intention. L'attention consiste à diriger notre attention sur les sensations de la respiration, comme la montée et la descente de l'abdomen ou la sensation de l'air passant par les narines. L'intention implique de cultiver une attitude de non-jugement et de curiosité envers notre respiration, nous permettant de l'observer sans nous laisser prendre par des jugements ni essayer de la contrôler. En cultivant à la fois l'attention et l'intention, nous cultivons un profond sentiment de pleine conscience dans notre pratique de la respiration. 4. Guide étape par étape pour pratiquer la respiration consciente. Se préparer à la respiration consciente. Trouvez un espace calme et confortable où vous pourrez vous asseoir ou vous allonger sans distraction. Fermez les yeux ou adoucissez votre regard. Prenez un moment pour porter votre attention sur votre corps et ressentir toute sensation ou tension physique. Commencez par porter doucement votre attention sur votre respiration. Remarquez la sensation de la respiration entrant et sortant de votre corps. Observez la montée et la descente de votre abdomen ou la sensation de l'air passant par vos narines. Si votre esprit s'égare, redirigez doucement votre attention vers la respiration sans jugement. Permettez-vous de vivre pleinement chaque respiration, instant après instant. Intégrez la conscience de la respiration dans les activités quotidiennes. Au-delà de la pratique formelle, vous pouvez également cultiver la conscience de la respiration dans vos activités quotidiennes. Que vous soyez en train de faire la vaisselle, de marcher ou de faire la queue, portez votre attention sur votre respiration. Remarquez les sensations de chaque inspiration et expiration lorsque vous vous engagez dans le moment présent. En intégrant la conscience de la respiration à votre routine quotidienne, vous pouvez insuffler la pleine conscience dans tous les aspects de votre vie. 5. Conseils pour intégrer la respiration consciente dans la vie quotidienne. Créez une pratique régulière. Pour profiter pleinement des bienfaits de la respiration consciente, il est important de l'intégrer régulièrement à votre routine. Prévoyez chaque jour un moment précis pour pratiquer, que ce soit le matin pour commencer votre journée sur une note calme ou le soir pour vous détendre avant de vous coucher. La cohérence est la clé, alors trouvez le moment qui vous convient le mieux et respectez-le. Intégrer la respiration consciente dans les routines. Intégrer la respiration consciente dans les activités quotidiennes peut changer la donne. Que vous fassiez la queue, que vous vous rendiez au travail ou que vous lavez la vaisselle, prenez un moment pour vous concentrer sur votre respiration. C'est un moyen simple mais efficace d'introduire la pleine conscience dans votre vie quotidienne et de vous libérer du mode pilote automatique. Gérez les distractions et restez concentré. Soyons réalistes, les distractions sont partout. Lorsque vous pratiquez la respiration consciente, il est normal que des pensées, des sons ou des stimuli externes détournent votre attention. Au lieu d'être frustré, reconnaissez la distraction sans jugement et redirigez doucement votre concentration sur votre respiration. C'est une danse constante, mais avec la pratique, vous deviendrez meilleur pour rester présent et rester concentré. 6. Défis courants et comment les surmonter grâce à la respiration consciente. Inquiétude et impatience. L'agitation et l'impatience s'installent souvent lorsque nous essayons de ralentir et d'être présents. N'oubliez pas que la pleine conscience est une pratique et non une solution miracle. Si vous vous sentez agité ou impatient, acceptez l'inconfort et continuez. Au fil du temps, vous cultiverez la patience et retrouverez une plus grande aisance dans la pratique. Difficulté à apaiser l'esprit. Notre esprit a tendance à vagabonder, et ce n'est pas grave. Plutôt que de rechercher un esprit complètement calme, concentrez-vous sur l'observation de vos pensées sans vous y laisser prendre. Traitez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel, en leur permettant d'aller et venir tout en revenant doucement à votre respiration. Trouvez la motivation pour pratiquer régulièrement. Rester motivé pour pratiquer la respiration consciente peut être difficile, surtout lorsque la vie est chargée. N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire que ce soit une séance d'une heure chaque jour. Commencez par quelques minutes et augmentez progressivement la durée. Rappelez-vous également les bienfaits que vous ressentez après chaque pratique, le sentiment de calme, de clarté et de paix intérieure. Ces rappels peuvent vous aider à raviver votre motivation lorsqu'elle diminue. 7. Explorez des techniques avancées et des variations de respiration consciente. Respiration profonde du ventre. La respiration abdominale profonde consiste à prendre des respirations lentes et profondes qui dilatent votre ventre au lieu d'une respiration thoracique superficielle. Cette technique aide à activer la réponse de relaxation du corps et améliore les effets apaisants de la respiration consciente. Respiration alternée par les narines. La respiration par narine alternée est une technique de respiration qui consiste à inspirer et à expirer par une narine à la fois. Il aide à équilibrer le flux d'énergie dans le corps et favorise une sensation de calme et de concentration. Comptage des respirations et visualisation. Lors du comptage des respirations, vous comptez chaque respiration, en commençant par le nombre 1 et jusqu'au nombre que vous souhaitez, puis en recommençant. Cette technique permet d'ancrer votre attention sur la respiration. La visualisation consiste à imaginer la respiration sous la forme d'une couleur, d'une forme ou d'un mouvement, améliorant ainsi votre connexion avec le moment présent. 8. Conclusion et réflexion finale sur la pratique de la respiration consciente. La respiration consciente est un outil puissant qui peut apporter d'immenses bénéfices à votre bien-être mental et émotionnel. Avec de la patience et de la pratique, vous pouvez cultiver un plus grand sentiment de présence, réduire le stress et améliorer votre qualité de vie globale. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'atteindre la perfection ou de la maîtriser du jour au lendemain. Il s'agit d'accepter le voyage, de rester curieux et de trouver ce qui vous convient le mieux. Alors respirez profondément, abandonnez vos attentes et profitez de l'expérience transformatrice de la respiration consciente. En conclusion, la respiration consciente offre une manière profonde et accessible d'apporter plus de présence et de paix dans nos vies. En donnant la priorité au moment de conscience intentionnelle de la respiration, nous pouvons exploiter le pouvoir transformateur de la pleine conscience et bénéficier de bienfaits qui s'étendent au-delà de la pratique elle-même. Qu'il s'agisse de réduire le stress, d'améliorer la concentration ou de favoriser une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec les autres, la pratique de la respiration consciente a le potentiel d'améliorer notre bien-être général. Alors, adoptons cette pratique, engageons-nous à l'intégrer dans notre vie quotidienne et embarquons-nous dans un voyage de découverte de soi et de calme intérieur. FAQ 1. À quelle fréquence dois-je pratiquer la respiration consciente? La fréquence à laquelle vous pratiquez la respiration consciente dépend de vos besoins et de votre emploi du temps. Idéalement, intégrer quelques minutes de respiration consciente chaque jour peut être bénéfique. Cela peut être fait le matin pour commencer la journée avec calme et clarté, ou même pendant des moments de stress pour vous recentrer. Commencez par quelques minutes et ajustez la durée en fonction de votre confort et de vos disponibilités. 2. Puis-je pratiquer la respiration consciente n'importe où? Oui, la respiration consciente peut être pratiquée pratiquement n'importe où. Que ce soit chez vous, au bureau, dans les transports en commun ou même en plein air, vous pouvez vous adonner à cette pratique dès que vous en ressentez le besoin. Cependant, choisir un endroit calme et exempt de distraction peut améliorer votre expérience de la respiration consciente. 3. Que se passe-t-il si mon esprit continue de vagabonder pendant la respiration consciente? Il est tout à fait normal que votre esprit vagabonde pendant la respiration consciente. Le but de cette pratique n'est pas d'empêcher totalement les pensées, mais plutôt d'apprendre à les observer sans jugement et de les ramener doucement à votre respiration. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit s'est éloigné, ramenez simplement votre attention à votre respiration. Cela fait partie du processus et avec le temps, votre capacité à rester concentré s'améliorera. 4. Existe-t-il des risques ou des contre-indications à pratiquer la respiration consciente? En général, la respiration consciente est une pratique sûre et bénéfique pour la plupart des gens. Cependant, si vous avez des problèmes respiratoires graves, comme l'asthme sévère, Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant d'adopter toute technique de respiration. La clé est d'écouter votre corps et de pratiquer la respiration consciente de manière confortable et sans forcer. Page 18, nous allons voir quelle est la fréquence musicale la plus positive pour l'esprit humain. Page 18.